gamin, je suis pas bien quand je m'endors. Fais le malin pour rien donc je m'emporte. On était loin donc tu te sens fort. Faut savoir qu'on vient sans les temps morts. Moi j'ai déconné, je voulais pas le dire. Fais des promesses qu'elle pouvait pas tenir. Moi concerné donc je parlais à d'autres. Absent invisible, c'est que j'avais l'anneau. Elle est partie car je suis pire qu'un môme. Je l'imagine dans le lit d'un autre. Je repense aux souvenirs de fou rire. Allez qu'on pende, je lâche trop de soupirs. Je raconte ma life, je sais que tu t'en cognes. Tu touches aux gens que j'aime. Direct je m'emporte. Je me laisse aller face à l'infini. Je flotte dans les airs, je me sens bien ici. Mec, tout ce mouvement m'endort. J'aime quand le courant m'emporte. Si t'es sur le droit chemin, je suis décalé. Je me vois dans la glace me dégrader. Le mal se répand sur des années. Laisse-moi s'te plaît, j'ai besoin de m'évader. Personne ne parle à ma place, non. Indépendant dans mes actes, ouais. Je voulais pas de fric à la base, non. Je finis le cerveau dans l'espace, ouais. On termine tous dans l'oubli. Je meurs plus, je me rapproche du feu. Face au monde, je me sens tout petit, ouais. Mais j'avais conscience du jeu. Un verre, un autre, rien que nous. Viens, on se laisse emporter. Un regard, un questa, tête contre tête. Et on se laisse emporter. Je regarde dans les flammes, je vois plus rien d'autre. Le temps s'est figé. Une minute puis une autre. Ça fait des années qu'on défend nos idées. On se connaît depuis 10 piges. Tu m'as vu dans tous les états. La colère, le stress, la tristesse, la joie. Bref, ça dépend des soirs. Je me laisse aller, je m'en vais, je me barre. Peut-être qu'elle est mieux quand je suis loin d'elle. Si elle ne conteste pas, on se reverra que dans un rêve. Calme et puissant comme Caillou. Je ressors encore la salle du temps. Ça devient différent quand t'haïs l'autre. En vrai, se prendre la tête, ça n'a plus de sens. Quand je me regarde dans la glace, je me sens pas à ma place. Les regrets dans la face, ils me suivent à la trace. Et j'espère que je suis pas le seul. Il faut payer le passé, oublier le passé. J'ai trop teasé et je suis lassé. Il faut laisser sa trace, les souvenirs les effacer. Et l'oseille la ramasser. Tes conseils, j'en ai assez. J'aime pas ton comportement. Pour un rien, je m'emporte, non. Peu importe que je perde du temps. Autant on emporte le vent. Je suis assez fort, je l'ai prouvé. Aussi j'ai mes torts, vous le saurez. Le son dans les oreilles, pourvu que le futur soit doré. Pourvu que le futur soit doré. Un verre, un autre, rien que nous. Viens, on se laisse emporter. Un regard, un questa, tête contre tête. Et on se laisse emporter. Les gars, s'il le faut, je reste là des heures. J'ai besoin de confiance, il me faut pas d'épreuves. J'ai pas su trouver la finesse de le dire. J'ai dit qui m'aime me suivre, j'y suis allé seul. C'est vrai, on a traîné nos pieds partout. Je me rappelle d'un dixième de tout ce parcours. Dans 10 ans, les cheveux grisaillent en tout ternis. Dans le fond d'un bar, on se retrouvera tous. On la joue fair play, on fait des talonnades. Ils ajoutent des terres, ils font des tacles au diable. Leurs idées préconçues, leurs contrats plein de vagues. Leur soirée malsaine, on donnera pas nos fiacs. Où sont les battants? Qui sont les incompris? Qui nous tendra la main? Qui nous tendra le bâton? Chacun sa vision, en gros chacun son trip. Qui jouera son bâtard et fermera ma tombe. Un verre, un autre, rien que nous. Viens, on se laisse emporter. Un regard, un questa, tête contre tête. Et on se laisse emporter. Un verre, un autre, rien que nous. Viens, on se laisse emporter. Un regard, un questa, tête contre tête. Et on se laisse emporter.